Hey, bébé Brown, jour j'ai la tempérance, Mamatini, Gabin Zinga, In Service Express, Jean-Marie Mulato, Arika, Big SRC, yeah. Big Sana, Mwenti Coin, Mon Côté, Alain Saint-Pierre, Bache Geba Romain, les Arabes, ma maman Azandoué, Joua Gambina, Zimbango Yango. Grâce à général de FAO, Yoka Kole la Frisa Montana Kamima, sommet des sommets. Makilo yo to sangi sangi epesi moto na mokili Inosa ya batro, toko ye bisa ye nini tango akokona Eparizeri kimbamba, yaya na stiva, na pari kou Soki ba ye bakae, makambo mako ya Bele ngana suka kananga iste na masolo Papa, mon amour.